un paquet pour vous, monsieur Malfait. Fais voir ça. Ah, ma mère m'a envoyé ma liasse de billets hebdomadaires et mon costard sortant du pressing. Tiens, une fois n'est pas coutume, elle m'a même laissé un mot. Drachot-chan, tu trouveras ci-joint ton matériel de survie pour la semaine. Ton père te passe le bonjour de sa cellule. J'ai également ajouté un nouveau jouet qui fait sensation dans les pays d'Orient, et aussi sur les amnésiques d'ailleurs. Veuillez agréer, fiston, l'expression de mes plus fidèles services. Achetez-le. Waouh, ça a l'air trop bien, monsieur Malfait, je peux rester pour voir? Non. Hé, les bouseux, venez voir ce que j'ai reçu. Regardez ça, c'est un tout nouveau Mediation 3000 Platinum Edition. Vous voyez, il suffit que je le branche sur la télé à écran plat 3D spécialement offert par mon père pour la scène commune des cobras, et l'autre extrémité au bout de mon lobe d'oreille, et vous pourrez voir dans mes souvenirs encore plus facilement qu'un flashback de Bleach. Trop fun. On va remonter au jour où j'ai appris que j'étais otaku. C'était bien avant que ce gros poivreau qui nous sert de prof ne le dise à ce binoclard de Pawa. Sérieux? Hop, je connecte et... Tais-toi et avance, Drachot. Dans quelques minutes, il sera minuit, et tu auras, comme tu le sais, tes 6 ans. Ah, on arrive. Bonjour Actarus, voici mon fils. Ah, le fameux Drachot. Tu vas devenir un homme aujourd'hui. Ah, je me présente, je suis Actarus Hollow. Allez, rentrez dans notre temple. Je vais revêtir ma tunique spéciale. Toi, va te placer au centre du cercle formé par ces gens. Bien, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour le passage de Drachot Malfait dans notre confrérie. Toi, comme toute ta lignée depuis des générations, tu es un otaku. Bah, vraiment ? Tu devras te confronter à un mode de vie bien particulier à base de sauce soja et de shogi. Mais j'ai cru comprendre que ton père t'avait déjà bien initié sans que tu le saches vraiment, évidemment. Cependant, tu as beau avoir l'honneur d'être l'unique fils de Vicious, tu devras travailler extrêmement dur pour pouvoir, dans 2 ans... passez les épreuves d'initiation. Nous te gardons à l'œil. Et pour conclure cette cérémonie, tu devras boire d'un trait ce shochu, de la liqueur distillée bien plus forte que le saké, boisson préférée des otaku. Vous avez vu ça, les gars? C'est ça, venir d'une lignée d'otaku très connue. Je crois savoir que ton grand-père à toi, Glaze, est un casse-cul. Hein? Ouais, c'est ça, rentre chez toi, va t'acheter des globules rouges de meilleure qualité. Bon, alors maintenant, on va remonter à cette fameuse initiation. Vous remarquerez d'ailleurs qu'à l'époque, j'étais déjà blond, pour les gars qui ne croyaient pas. Je pense que tu es prêt cette fois-ci. L'essentiel de l'initiation est que cela peut avoir lieu à n'importe quel moment lors de ta 8e année. Enfin, entre membres, on parle plus de lynchage public. Je pense que le mieux est d'y aller environ 3 mois après ton anniversaire. Comme ça, tu prouves aux otaku que tu n'as point peur. Alors, on retourne au temple? En marchant sous la pluie avec une musique bien classe? Pas cette fois. Abyssa, prépare le kimono du gamin. Je vois que tes bras ont bien grandi depuis la dernière fois qu'on a rajouté des poids. Tu peux les retirer. Heureusement que le kimono est sans manches. Allez, descends dans la salle à manger maintenant. Bonsoir mesdames et messieurs les otaku, merci d'être présents en ce jour pour assister à mon épreuve d'initiation. Mes respects à chacun d'entre vous et gloire aux anciens. Nous allons choisir au hasard ton épreuve, jeune Malfait. Il y en a 13 et tu peux mourir pour de vrai. Et de par le fait, tu ne seras jamais un grand otaku. En même temps, si je meurs, c'est logique. Et tu déshonoreras toute ta famille pendant 17 générations. Ah là, c'est tout de suite moins cool. Bon, je choisis cette épreuve-ci. Ah, voilà de quoi intéresser le public. L'épreuve du feu, la plus difficile. Quoi? Mais père, il vaut quand même pas. Tais-toi et crame, fiston, c'est pour ton bien. Nous avons aménagé votre sauna en véritable enfer. Il devra y résister pendant 1 minute. Les jets de flammes sont incontrôlables et risquent de te défigurer. Abyssa a aménagé un jacuzzi pour ceux qui voudraient profiter pleinement du spectacle. Je vais crever comme un chien qu'on laisse se déshydrater parce qu'il est trop gros. Monsieur Malfait, Est-ce normal que le sauna prenne feu ? Eh bien, le bois est inflammable en effet. Mais les fabricants m'avaient bien précisé qu'il était renforcé, alors ça devrait tenir le coup. On dirait que ça ne tient pas le coup, monsieur Manfred. Vite, les extincteurs ! Bon, eh bien, on dirait que tu as bel et bien raté l'épreuve. Je m'en fous. Laissez-moi me faire égorger par un tanuki. Me faites plus revivre ça. Le jury et moi-même avons apprécié le spectacle tout de même. Ta détermination et le pot de vin de ton père nous ont conquis. Tout comme les prostituées japonaises. Voici pour toi ton propre bandeau de ninja que tu devras porter à ton front avec fierté. Waouh, trop bien ce symbole de tête de mort. Ça cachera ma future énorme cicatrice. Vous avez vu ça, hein? C'était il y a 3 ans maintenant. Je l'ai senti passer à l'époque. J'ai perdu mon œil droit, mais les cheveux ont repoussé. Si, si, je vous jure, ils ont repoussé. J'ai mal fait, comment vous avez fait pour récupérer un œil? On vous l'a cassé? T'es encore là, toi? Je t'avais pas dit de te jeter d'ici? Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ce bouton-là! J'avoue que je suis déçu, Vicious. Tu as pourtant entendu les rumeurs. Il y avait bien plus que des murmures, en effet, maître. Mais je ne pensais pas que... Tu croyais que j'étais mort. Moi, j'ai eu quelques contretemps, je dois le reconnaître. Et encore maintenant, j'ai besoin du garçon pour me procurer ce que je désire. J'ai cru comprendre que dans quelques mois, ton jeune fils rentrera à la grande école de Jobar. N'est-ce pas? Je voulais à l'Institut Berserk, moi, mais... Tu iras à Jobar et tu mèneras bien la tâche que le maître t'a confiée. Ne sois pas si dur avec ton fils, Vicious. Être borgne doit déjà être suffisamment difficile pour lui. Mais tu as raison, cela dit. J'ai tout de même une ou deux connaissances à l'intérieur qui pourront l'aider dans sa mission, au cas où. Le problème, c'est qu'il n'est pas très présentable tel qu'il est là. Bon, très bien. Je sais ce que je vais faire. Approche-toi, mon garçon. Tu vas morfler. Et vous autres, oui, vous tous là, je vous interdis de raconter à qui que ce soit ce que vous avez vu. Sinon vous aurez des comptes à rendre à des gens bien plus terrifiants que moi. Bande de déchets. C'est qui le chef ici?